Alexandre Dumas, le capitaine Pamphile, dernière partie, chapitre 18. Après 2 mois et demi d'une heureuse traversée, pendant laquelle, grâce aux soins paternels que le capitaine prit de son chargement, il ne perdit que 32 nègres, la Roxelane entra dans le port de la Martinique. C'était un excellent moment pour se défaire de sa cargaison. Grâce aux mesures philanthropiques, prises d'un commun accord par les gouvernements civilisés, la traite, exposée aujourd'hui à des dangers ridicules, laisse manquer les colonies. La marchandise du capitaine Pamphile était donc en grande hausse lorsqu'il aborda à Saint-Pierre-Martinique. Aussi n'y en eut-il que pour les plus riches. Il faut avouer aussi que tout ce qu'apportait le capitaine était de véritables échantillons de choix. Tous ces hommes pris sur un champ de bataille étaient les plus braves et les plus robustes de leur nation. Puis ils n'avaient pas la face stupide et l'apathie animale des nègres du Congo. Leur relation avec le Cap les avait presque civilisés. Ce n'étaient que des demi-sauvages. Aussi le capitaine les vendit-il 1000 piastres, l'un dans l'autre, ce qui lui fit un total de 990 000 francs. Or, en sa qualité de capitaine, comme il avait moitié part, il encaissa à lui seul, tout frais prélevés, 422 000 francs. Ce qui, comme on le voit, était un assez joli denier. Puis une circonstance inattendue donna encore moyen au capitaine Pamphile de tirer avantageusement parti d'une autre portion de son chargement. Au lieu de 50 pipes d'eau-de-vie qu'elle attendait de la maison Ignace Nicolas Pelonge d'Orléans, la maison Jackson et compagnie de New York n'en ayant reçu que 38, elle avait été, malgré sa fidélité ordinaire à remplir ses engagements, forcée de manquer de parole à quelques-unes de ses pratiques. Or, le capitaine Pamphile apprit à Saint-Pierre que les Grandes Antilles manquaient entièrement d'alcool, et comme il lui restait, si l'on se souvient, 11 pipes trois quarts de cette liqueur dont il n'avait pas trouvé l'emploi, il résolut de faire voile pour la Jamaïque. On n'avait pas trompé le capitaine Pamphile. Les Jamaïcois tiraient effroyablement la langue à l'endroit de l'eau-de-vie, dont il manquait depuis 3 mois. Aussi le digne capitaine fut-il reçu comme une véritable providence. Or, comme on ne marchande pas avec la providence, le capitaine vendit ses pipes sur le pied de 20 francs la bouteille, ce qui ajouta à son premier dividende de 422 000 francs une nouvelle part de 50 000 livres, laquelle, additionnée au-dessous de la première, donna un total de 460 et 12 000 francs. Aussi, le capitaine Pamphile, qui jusque-là n'avait jamais désiré que l'aurea mediocritas d'Horace, résolut-il de mettre immédiatement à la voile pour Marseille, où, en réunissant tous les fonds qu'il avait épars sur les différentes parties du globe, il pourrait réaliser une petite fortune de 60 et 15 à 80 000 livres de rente. L'homme propose et Dieu dispose. À peine le capitaine Pamphile était-il sorti de la baie de Kingston qu'un coup de vent le poussa vers la côte des Mosquitos, située au fond du golfe du Mexique, entre la baie de Honduras et la rivière Saint-Jean. Or, comme la Roxelane avait subi quelque avarie et qu'elle avait besoin d'un mât de perroquet et d'un bout d'or de clinfoc, le capitaine résolut de descendre à terre, quoique les naturels du pays fussent accourus en foule sur le rivage et que quelques-uns, armés de fusils, parussent se disposer à faire résistance. Aussi, ayant fait appareiller la chaloupe et ordonné qu'on y transportât à tout hasard une petite caronade de 12 qui avait son pivot sur l'avant, il y descendit avec 20 hommes, et sans s'inquiéter des démonstrations hostiles des indigènes, il rama vigoureusement vers la côte, résolu de se procurer un mât de perroquet et un bout or de glimphoc, à quelque prix que ce fût. Le capitaine avait calculé juste, en comptant sur cette démonstration franche et précise de sa volonté, car à mesure qu'il avançait vers le rivage, les naturels qui pouvaient parfaitement distinguer à l'œil nu les dispositions guerrières du capitaine reculaient dans l'intérieur des terres, au fond desquelles on apercevait quelques chétives cabanes, dont la plus haute était surnommée d'un drapeau trop éloigné pour qu'on pût en reconnaître les armes. Il en résulta qu'au moment où le capitaine aborda, les deux troupes, toujours séparées par le même espace, se trouvaient à 1000 pas, à peu près, l'une de l'autre, distance à laquelle il était difficile de se parler autrement que par signes. C'est ce que fit au reste immédiatement le capitaine Pamphile, qui, à peine débarqué, planta en terre un bâton au bout duquel flottait une serviette blanche, ce qui, dans tous les pays du monde, veut dire qu'on se présente avec des dispositions amies. Ce signal fut sans doute compris des mosquitos, car à peine l'eurent-ils aperçu que celui qui paraissait leur chef, qui en cette qualité était revêtu d'un vieil habit d'uniforme, qu'il portait sans chemise et sans pantalon, probablement à cause de la chaleur, déposa à terre son fusil, son tomahawk et son poignard, et, élevant les deux mains en l'air pour indiquer qu'il était sans armes, s'avança vers le rivage. Cette démonstration apparut à l'instant même au capitaine dans toute sa clarté, car ne voulant pas rester en arrière, il déposa de son côté son fusil, son sabre et ses pistolets sur le rivage, éleva les mains en l'air à son tour et s'avança vers le sauvage avec la même confiance que celui-ci montrait. Arrivé à 50 pas du chef des Mosquitos, le capitaine Pamphile s'arrêta pour le regarder avec une plus grande attention. Il lui semblait que cette figure ne lui était pas inconnue et que ce n'était pas la première fois qu'il avait l'honneur de la contempler. De son côté, le sauvage semblait faire des réflexions à peu près pareilles, et le capitaine paraissait éveiller aussi dans sa mémoire quelques souvenirs confus et incertains. Enfin, comme ils ne pouvaient se regarder éternellement, ils se remirent en route, puis, arrivés à 10 pas l'un de l'autre, ils s'arrêtèrent de nouveau, en poussant chacun une exclamation de surprise. « Hang !» dit gravement le Mosquitos. « Sacré Dieu ! » s'écria en riant le capitaine. « Le serpent noir est un grand chef !» continua le Huron. « Pamphile est un grand capitaine !» reprit le marin. « Que bien chercher le capitaine Pamphile sur les terres du serpent noir ? De misérables baguettes de saule, l'une pour faire un mât de perroquet et l'autre pour faire un bout hors de clinfoc. Et que donnera en échange le capitaine Pamphile au serpent noir ? Une bouteille d'eau de feu. Le capitaine Pamphile est le bienvenu, dit le Huron, après un moment de silence, en tendant la main en signe d'adhésion. Le capitaine prit la main du chef et la lui serra de manière à la lui broyer, en signe que c'était un marché fait. Le serpent noir supporta la torture en véritable indien, le calme dans les yeux et le sourire aux lèvres. Ce que voyant les marins d'un côté et les mosquitos de l'autre, ils poussèrent 3 grandes acclamations en signe de joie. « Pamphile est un grand capitaine, » dit le Huron en s'inclinant. « Le serpent noir est un grand chef, » répondit le marin en lui rendant son salut. Puis tous deux, avec la même gravité, retournèrent d'un pas égal chacun vers sa troupe, afin de lui rendre compte de ce qui s'était passé. 1 heure après, le serpent noir tenait la bouteille d'eau de feu. Le même soir, le capitaine Pamphile avait avisé 2 palmiers qui faisaient justement son affaire. Cependant, comme le maître charpentier demandait 8 jours pour mettre son mâtereau et son bout or en état, le capitaine, jugeant que la bonne intelligence pouvait être interrompue pendant cet intervalle entre son équipage et les indigènes, fit tirer sur le rivage une ligne que ne pouvait sous aucun prétexte dépasser les matelots. Le serpent noir, de son côté, fixa aussi certaines limites que ses gens reçurent l'ordre de ne point franchir. puis au milieu de l'espace qui séparait les deux camps, on dressa une tente qui devait servir de salon de conférence aux deux chefs, lorsque leurs affaires respectives exigeraient qu'ils s'abouchassent. Le lendemain, le serpent noir chassemina vers la tente, le calumet à la main. Le capitaine Pamphile, voyant les dispositions pacifiques du chef des Mosquitos, s'avança de son côté, le brûle-gueule à la bouche. Le serpent noir avait avalé sa bouteille d'eau de feu, et il en désirait une autre. Le capitaine Pamphile, sans être autrement curieux, n'était point fâché d'apprendre comment il retrouvait à l'isthme de Panama, et chef des Mosquitos, un homme qu'il avait été sur le fleuve Saint-Laurent, et chef des Hurons. Or, comme tous deux étaient disposés à faire quelques concessions pour obtenir ce qu'ils désiraient, ils s'abordèrent ainsi que deux amis enchantés de se revoir. Puis, comme preuve de fraternité complète, le serpent noir prit le brûle-gueule du capitaine Pamphile, le capitaine Pamphile le calumet du serpent noir, et tous deux se poussèrent gravement des bouffées de fumée au visage. Puis, après un instant de silence, le tabac de mon frère, le visage pâle, est bien fort, dit le serpent noir. Ce qui veut dire que mon frère, la peau rouge, désire se rafraîchir la bouche avec de l'eau de feu, répondit le capitaine Pamphile. L'eau de feu est le lait des Hurons, reprit le chef avec une dignité méprisante, qui prouvait qu'il sentait, de ce côté-là, toute sa supériorité sur les Européens. « Que mon frère boive donc, » dit le capitaine Pamphile en tirant une gourde de sa poche, « et quand le biberon sera vide, on le remplira. » Le serpent noir prit la gourde, la porta à sa bouche, et de la première gorgée en but à peu près le tiers. Le capitaine la prit ensuite, la secoua pour en calculer à peu près le déficit, et l'apportant à ses lèvres, il lui donna une accolade qui ne le cédait en rien à celle de son convive. Celui-ci voulut la reprendre à son tour. « Un instant, » dit le capitaine en plaçant entre ses jambes la gourde vide aux deux tiers. « Causons un peu de ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes vus. »« Que désire savoir mon frère ?» demanda le chef. « Ton frère désire savoir, » reprit le capitaine Pamphile, « si tu es venu ici par mer ou par terre. »« Par mer, » répondit laconiquement le Huron. Et qui t'y a conduit? Le chef des habits rouges. Que le serpent noir délie sa langue et raconte son histoire à son frère le visage pâle, reprit le capitaine Pamphile en présentant de nouveau la gourde au Huron, qui la vida d'un trait. Mon frère écoute-t-il? Demanda le chef, dont les yeux commençaient à s'animer. Il écoute, répondit le capitaine employant pour la réponse le même laconisme qui avait dicté la demande. Quand mon frère m'eut quitté au milieu de la tempête, dit le chef, le serpent noir continua de remonter le fleuve aux grandes eaux, non plus dans sa barque qui était brisée, mais en suivant à pied les rives. Il marcha ainsi 5 jours encore, et il se trouva sur les bords du lac Ontario. Puis, le traversant à York, il eut bientôt gagné le lac Huron, où était son wigwam. Mais en son absence, de grands événements étaient arrivés. Les Anglais, à force de repousser devant eux les peaux rouges, étaient parvenus peu à peu jusqu'au bord du lac supérieur. Le serpent noir trouva son village habité par des visages pâles et sa place prise par des étrangers au foyer de ses ancêtres. Alors il se retira dans les montagnes où l'Outalawa prend sa source et appela ces jeunes guerriers, ils déterrèrent le tomahawk et accoururent autour de lui, aussi nombreux que l'étaient les élans et les daims, avant que les visages pâles eussent paru aux sources de la Delaware et du Susquehanna. Alors les visages pâles eurent peur, et ils envoyèrent au nom du gouvernement une ambassade au serpent noir. On lui offrait 6 fusils, 2 barils de poudre et 50 bouteilles d'eau de feu, s'il voulait vendre le toit de ses pères et le champ de ses aïeux. Et en échange de ce toit et de ses champs, on lui donnait la terre des Mosquitos, qui venait d'être cédée par la République de Guatemala, au visage pâle. Le serpent noir résista longtemps. quelque tentantes que fussent ses offres. Mais il eut le malheur de goûter à l'eau de feu, et dès lors, tout fut perdu. Il consentit au traité, et l'échange fut fait. Le serpent noir jeta une pierre derrière son dos en disant « Que le Manitou me jette loin de lui comme je fais de cette pierre, si jamais je remets le pied dans les forêts, dans les prairies ou sur les montagnes qui s'étendent du lac Erie à la mer d'Hudson et du lac Ontario au lac supérieur. » Aussitôt, on le conduisit à Philadelphie. On le fit monter sur un vaisseau et on le transporta à Mosquitos. Alors le serpent noir et les jeunes guerriers qui l'avaient accompagné bâtirent les huttes que mon frère peut voir d'ici. Lorsqu'elles furent achevées, le chef des visages pâles planta sur la plus grande le drapeau de l'Angleterre et remonta sur son vaisseau en laissant au serpent noir un papier écrit dans une langue inconnue. À ces mots, le serpent noir tira en soupirant un parchemin de sa poitrine et le déroula devant les yeux du capitaine Pamphile. C'était l'acte de cession qui lui était fait de tous les terrains situés entre la baie de Honduras et le lac de Nicaragua, sous la protection de l'Angleterre et avec le titre de cacique des Mosquitos. Le gouvernement britannique se réservait la faculté de faire bâtir un ou plusieurs forts en tels endroits qu'il lui plairait de choisir, sur les terres du cacica. L'Angleterre est la nation de prévoyance par excellence, présumant qu'un jour ou l'autre on percerait l'isthme de Panama, soit à Chiapa, soit à Carthago. Elle avait rêvé d'avance entre l'océan Atlantique et l'océan Boréal, un Gibraltar américain. En lisant cet acte, il vint au capitaine Pamphile une singulière idée. Il avait spéculé sur tout, thé, indigo, café, morue, singe, ours, eau-de-vie et cafre. Il lui restait à acheter un royaume. Seulement celui-là lui coûta plus cher qu'il ne s'y était entendu d'abord, non pas à cause de la mer poissonneuse qui en baignait les côtes, non point à cause des hauts cocotiers qui en ombrageaient le rivage, non point encore à cause des vastes forêts qui couvraient la chaîne de montagnes qui coupe l'isthme en deux et sépare les Guatimalais des Mosquitos. Non, tout cela était assez indifférent au serpent noir. Mais en revanche, il tenait énormément au cachet rouge qui décorait le bas de son parchemin. Malheureusement, il n'y avait pas d'acte sans cachet, car ce cachet était celui de la chancellerie de Londres. Le cachet coûta au capitaine 150 bouteilles d'eau de feu, mais il eut le parchemin par-dessus le marché. Chapitre 19. 7 ans environ après les événements que nous venons de raconter, un joli brick portant un pavillon tiercé en face de sinople, d'argent et d'azur, abaissé au-dessous du pavillon royal d'Angleterre, qui se déployait fièrement au-dessus de lui en signe de suzeraineté, saluait de 21 coups de canon la forteresse de Portsmouth, qui lui rendait sa politesse par un nombre de coups égal. C'était le Soliman, navire fin voilier, détaché de la nombreuse marine militaire du cacique des Mosquitos, et qui amenait à Londres et à Édimbourg les consuls de son Altesse, lesquels venaient munis de l'acte de cession fait par le gouvernement anglais à leur maître, se faire reconnaître de Sa Majesté Guillaume IV. La curiosité avait été grande dès qu'on avait signalé dans la rade de Portsmouth un pavillon inconnu. Mais cette curiosité augmenta encore lorsque l'on sut quels importants personnages il annonçait. Chacun se précipita aussitôt sur le port pour voir descendre les deux illustres envoyés du nouveau souverain que la Grande-Bretagne venait de ranger au nombre de ses vassaux. Il semblait aux Anglais, si avides de choses nouvelles, que les deux consuls devaient avoir quelque chose d'étrange, et qui sentit l'état sauvage dont allait les tirer le bienfaisant patronage de l'Angleterre. Mais sur ce point, les prévisions des curieux furent complètement trompées. La chaloupe mit à terre deux hommes, dont l'un, déjà âgé de 50 à 55 ans, court, replet et haut en couleur, était le consul d'Angleterre. L'autre, âgé de 22 à 23 ans, grand et sec, était le consul d'Édimbourg. Tous deux étaient revêtus d'un uniforme de fantaisie qui tenait le milieu entre le costume militaire et l'habit civil. Au reste, leur teint bruni par le soleil, leur accent méridional fortement accentué, indiquaient du premier coup, à l'œil et à l'oreille, des enfants de l'Équateur. Les nouveaux débarqués s'informèrent de la demeure du commandant de place, auquel ils firent leur visite, qui dura une heure à peu près. Puis ils retournèrent à bord du Soliman, toujours accompagnés de la même affluence. Le même soir, le bâtiment remis à la voile, et 8 jours après, on apprit par le Time, le Standard et le Sund leur heureuse arrivée à Londres, où ils avaient produit, disaient ces journaux, une grande sensation. Cela ne surprit point le gouverneur de Portsmouth, qui avait été étonné, disait-il, à qui voulait l'entendre, de l'instruction variée des deux envoyés du cacique des Mosquitos, qui, tous deux, parlaient un français fort passable, et dont l'un, le consul d'Angleterre, possédait d'excellentes idées commerciales et même une légère teinte de médecine, tandis que l'autre, le consul d'Édimbourg, brillait surtout par un esprit très vif et une connaissance approfondie de la science culinaire des différents peuples du monde que, tout jeune qu'il était, ses parents lui avaient fait parcourir, dans la prévision sans doute des hautes charges auxquelles la Providence l'avait appelé. Les deux consuls Mosquitos avaient eu le même succès auprès des autorités de Londres qu'auprès du gouverneur de Portsmouth. Les ministres auxquels ils s'étaient présentés avaient remarqué en eux, il est vrai, une ignorance complète des usages du monde, mais cette absence de fashion, qu'on ne pouvait consciencieusement pas exiger d'hommes nés sous le 10e degré de latitude, était bien rachetée par les connaissances diverses qu'ils possédaient, et qui sont quelquefois parfaitement étrangères aux agents des nations les plus civilisées. Par exemple, le Lord Chancelier était revenu un soir très enroué d'une séance de la Chambre basse, où il avait été obligé de discuter contre O'Connell un nouveau projet d'impôt sur l'Irlande. Le consul de Londres, qui se trouvait là, par hasard, à son retour, demanda à Milady un jaune d'œuf, un citron, un petit verre de rhum et quelques clous de girofle. Prépara de ses propres mains une boisson agréable au goût et fort en usage, dit-il, à Comayaga, pour ces sortes d'indispositions, boisson qu'ayant avalé de confiance le Lord Chancelier, il se trouva radicalement guéri le lendemain. Cette aventure fit du reste tant de bruit dans le monde diplomatique que depuis ce temps, on n'appelle plus le consul de Londres que le docteur. Une autre chose, non moins extraordinaire, arriva à monsieur le consul d'Édimbourg. Sir Edward Tuomas. Un jour que l'on causait chez le ministre de l'Instruction publique des différents mets des différentes nations, Sir Edward Tuomas déploya une si vaste connaissance de la matière, depuis la carrick à l'indienne, fort en usage à Calcutta, jusqu'au pâté de bosse de bison, si généralement apprécié à Philadelphie, qu'il en fit venir l'eau à la bouche à toute l'honorable assemblée, ce que voyant le consul, il offrit avec une obligeance sans égale à M. le ministre de l'Instruction publique de diriger un de ses prochains dîners dans lequel on ne servirait aux convives que des plats parfaitement inconnus en Europe. Le ministre de l'Instruction publique, confus de tant de bonté, refusa longtemps d'accepter une pareille offre. Mais Sir Edward Tuomas insista de telle façon et avec une si grande franchise que son excellence finit par céder et invita tous ses collègues à cette solennité culinaire. En effet, au jour dit, le consul d'Édimbourg, qui avait donné dès la surveille ses ordres pour les achats, arriva dès le matin, et sans morgue, sans fierté, descendant à la cuisine, il se mit en chemise au milieu des cuisiniers et des marmitons, qu'il dirigea comme s'il n'avait pas fait autre chose de toute sa vie. Puis, une demi-heure avant le dîner, il détacha la serviette qu'il avait nouée autour de ses reins, reprit son habit de consul, et avec la simplicité du mérite réel, il entra au salon avec la même tranquillité que s'il descendait de son équipage. C'est ce dîner qui fit révolution dans le cabinet anglais, et qui fut comparé au festin de Balthazar par le Constitutionnel, dans un article foudroyant intitulé « Perfide Albion ». Aussi, Sir Edward Tumouse souleva-t-il les plus vifs regrets dans le club gastronomique de Piccadilly, lorsque, impérieusement appelé par son devoir, il fut forcé de quitter Londres pour Édimbourg. Le docteur resta donc seul à Londres. Au bout de quelque temps, il notifia au corps diplomatique l'arrivée prochaine de son auguste maître, son Altesse Don Guzman y Panfilos, ce qui produisit une grande sensation dans le monde aristocratique. En effet, un matin, on signala un bâtiment étranger qui remontait la Tamise, portant à sa corne le pavillon Mosquitos et à son mât d'artimon l'étendard de la Grande-Bretagne. C'était le brick le Mosquitos, du même port et de la même force que le Soliman, mais tout éclatant de dorure, et le jour même, il mouilla dans les docks. Il amenait à Londres Son Altesse le cacique en personne. Si l'affluence avait été déjà considérable au débarquement des consuls, on comprend ce qu'elle dut être au débarquement du maître. Londres, tout entier, était dans ses rues, et ce fut à grande peine si le corps diplomatique parvint à se faire place, tant la foule était pressée pour venir recevoir le nouveau souverain. C'était un homme de 45 à 48 ans, chez lequel on reconnut à l'instant même le véritable type mexicain, avec ses yeux vifs, son teint hâlé, ses favoris noirs, son nez aquilin et ses dents de chacal. Il était vêtu d'un habit de général Mosquitos et portait pour tout ornement la plaque de son ordre. Il parlait passablement l'anglais, mais avec un accent provençal très prononcé. Cela tenait à ce que le français était la première langue qu'il eût apprise, et qu'il l'avait apprise d'un maître marseillais. Au reste, il répondit aux compliments avec aisance, parla à chaque ministre et à chaque chargé d'affaires dans sa langue. Son Altesse le cacique étant polyglotte au premier degré. Le lendemain, Son Altesse fut reçue par Sa Majesté Guillaume IV. 8 jours après, les murs de Londres se tapissèrent de lithographies représentant les différents uniformes de l'armée de terre et de mer du cacique des Mosquitos, puis de paysages représentant la baie de Carthago et le cap Gracias a Dios, à l'endroit où la rivière d'or se jette à la mer. Enfin parut une vue exacte de la place publique de la ville capitale, avec le palais du cacique au fond, le théâtre sur un côté et la bourse sur l'autre. Tous les soldats étaient gras et bien portants, et l'on expliquait ce phénomène par une note placée au bas des gravures et qui indiquait la paye que recevait chaque militaire. C'était 3 francs par jour pour les simples soldats, 5 francs pour les caporaux, 8 francs pour les sergents, 15 francs pour les sous-officiers, 25 francs pour les lieutenants et 50 francs pour les capitaines. Quant à la cavalerie, elle touchait double paie, parce qu'elle était obligée de nourrir ses chevaux. Cette magnificence, qu'on eût traitée de prodigalité à Londres et à Paris, était toute simple à Mosquitos. L'or, roulant dans les fleuves, et germant littéralement sous terre, de sorte qu'on n'avait qu'à se baisser et à le prendre. Quant aux paysages, c'étaient bien les plus riches points de vue qui se pussent voir. L'ancienne Sicile, qui nourrissait Rome et l'Italie du superflu de ses 12 millions d'habitants, n'était qu'un désert auprès des plaines de Panamacas, de Caribania et de Tinto. C'étaient des champs de maïs, de riz, de canne à sucre et de café, au milieu desquels les chemins étaient à peine tracés pour la circulation des exploitants. Toutes ces terres rapportaient naturellement et sans que l'homme s'en occupât le moins du monde. Cependant, les naturels les labouraient parce qu'il arrivait souvent qu'avec le soc de leur charrue, ils découvraient des lingots d'or de 2 ou 3 livres et des diamants de 30 à 35 carats. Enfin, autant qu'on pouvait en juger par les 3 magnifiques palais qui s'élevaient sur la place principale des Mosquitos, la ville était bâtie dans un style mélangé qui participait à la fois de l'antique simplicité grecque, de la capricieuse ornementation du Moyen-Âge et de la noble impuissance moderne. Ainsi, le palais du cacique était fait sur le modèle du Parthénon. Le théâtre avait une façade dans le goût de celle du dôme de Milan, et la bourse ressemblait à l'église Notre-Dame de Lorette. Quant à la population, elle était vêtue d'habits magnifiques, tout resplendissant d'or et de pierreries. Des négresses suivaient les femmes avec des parasols de plumes de toucan et de colibri. Les laquais faisaient l'aumône avec des pièces d'or, et il y avait dans un coin du tableau un pauvre qui nourrissait son chien avec des saucisses. 15 jours après l'arrivée du cacique à Londres, il n'était bruit, depuis Dublin jusqu'à Édimbourg, que de l'Eldorado Mosquitos. Le peuple s'arrêtait devant ces magnifiques prospectus en telle affluence que la baguette du constable devint insuffisante pour dissiper les attroupements. Ce que voyant le cacique, il alla trouver le Lord Maire en le priant de défendre l'exposition d'aucune gravure ou gouache représentant quoi que ce soit de son royaume. Le Lord Maire, qui jusqu'à présent ne l'avait pas fait dans la seule crainte de désobliger son Altesse Don Guzman y Panfilos, ordonna le jour même la saisie des objets désignés chez tous les marchands de gravures. Mais s'ils étaient loin de la vue, ils n'étaient pas hors de la mémoire, et le lendemain de cette exécution sans exemple dans un pays aussi libre que l'est la Grande-Bretagne, plus de 50 personnes se présentèrent chez le consul, déclarant qu'elles étaient prêtes à émigrer si les renseignements qu'elles venaient chercher étaient en harmonie avec ce qu'elles attendaient. Le consul répondit qu'il y avait aussi loin de l'idée qu'elle avait pu prendre de cette bienheureuse terre à ce qu'elle était en effet, qu'il y a loin de la nuit au jour et de la tempête au beau temps, que la lithographie était, comme chacun sait, un moyen très impuissant de traduire la nature, puisqu'elle n'avait qu'un ton gris et terne pour rendre non seulement toutes les couleurs, mais encore les milliers de nuances qui font le charme et l'harmonie de la création. Que par exemple les oiseaux qui voltigeaient dans les paysages et qui avaient sur ceux de l'Europe l'avantage inappréciable de se nourrir d'insectes malfaisants et de ne pas pouvoir sentir le grain, semblaient tous, sous les crayons du lithographe, des moineaux francs ou des alouettes, tandis qu'ils brillaient en réalité de couleurs si fraîches et si vives qu'ils semblaient des rubis animés et des topazes vivants. Que d'ailleurs, s'il voulait se donner la peine de passer dans son cabinet, il leur montrerait ces mêmes oiseaux, qu'il reconnaîtrait, non pas à leur plumage, mais à la forme de leur bec et à la longueur de leur queue. Et qu'en les comparant à l'ignoble ressemblance que le peintre avait cru atteindre, il pourrait juger de tout le reste sur un seul échantillon. Les braves gens entrèrent dans le cabinet, et comme le docteur, grand amateur d'histoire naturelle, avait, dans ses différentes courses, réunit une collection précieuse de toutes les fleurs volantes qu'on appelle des colibris, des oiseaux-mouches et des bengalis. Ils en sortirent parfaitement convaincus. Le lendemain, un bottier se présenta chez le consul et demanda si, à Mosquitos, les industries étaient libres. Le consul répondit que le gouvernement y était si paternel que l'on n'y payait même pas de patente, ce qui établissait une concurrence qui tournait à la fois au profit des industriels et des consommateurs, attendu que tous les peuples environnants venaient s'approvisionner dans la capitale du Cacica, où ils trouvaient chaque chose tellement au-dessous du cours de leur pays que rien que par cette différence ils étaient défrayés, et au-delà des dépenses de leur voyage. Que les seuls privilèges qui dussent exister, car ils n'existaient pas encore, et c'était ce qu'ils avaient vu en Angleterre qui en avait donné l'idée au cacique, était la fourniture spéciale de sa personne sérénissime et de sa maison. Le bottier demanda aussitôt s'il y avait à Mosquitos un bottier de la couronne. Le consul répondit que beaucoup de demandes avaient été faites, mais qu'aucune n'avait encore été distinguée. Que d'ailleurs le cacique comptait soumissionner les charges, ce qui épargnerait toujours un grand embarras, attendu que cette mesure déjouait toutes les brigues et tuait la vénalité, ce vice fondamental des gouvernants européens. Le bottier demanda à quel taux était cotée la charge de bottier de la couronne. Le docteur consulta ses registres et répondit que la charge de bottier de la couronne était cotée à 250 livres sterling. Le bottier bondit de joie. C'était pour rien. Puis, tirant de sa poche 5 billets de banque qu'il présenta au consul, il le pria dès ce moment de le considérer comme seul et unique soumissionnaire, ce qui était d'autant plus juste qu'il y avait rempli la condition demandée, c'est-à-dire le paiement comptant et intégral de la soumission. Le consul trouva la demande si éminemment raisonnable qu'il n'y répondit qu'en remplissant un brevet qu'il remit séance tenante au pétitionnaire, signé de sa main et revêtu du sceau de son Altesse. Le bottier sortit du consulat sûr de sa fortune et enchanté d'avoir fait pour l'assurer un si mince sacrifice. Dès lors, il y eut queue au bureau du consulat. Au bottier succéda un tailleur, au tailleur un pharmacien. Au bout de 8 jours, chaque branche de l'industrie, du commerce ou de l'art eut son représentant breveté. Puis ensuite vinrent les achats de grades et de titres. Le cacique fit des colonels et créa des barons, vendit des titres de noblesse personnelle et de la noblesse héréditaire. Un monsieur qui avait déjà l'éperon d'or et l'ordre d'Oenoloe lui fit même des propositions pour acheter l'étoile de l'Équateur, qu'il avait fondée pour récompenser le mérite civil et le courage militaire. Mais le cacique répondit que, sur ce point seulement, il s'écarterait de l'exemple donné par les gouvernements européens, et qu'il faudrait gagner sa croix pour l'obtenir. Malgré ce refus, qui lui fit au reste le plus grand honneur dans l'esprit des radicaux anglais, le cacique encaissa dans son mois une recette de 60 000 livres sterling. Vers ce temps et après un dîner à la cour, le cacique se hasarda à parler d'un emprunt de 4 millions. Le banquier de la couronne, qui était un juif prêtant de l'argent à tous les souverains, sourit de pitié à cette demande et répondit au cacique qu'il ne trouverait pas à emprunter moins de 12 millions. Toute affaire commercial au-dessous de ce chiffre étant abandonné aux carotteurs et aux courtiers marrons. Le cacique répondit que ce n'était pas cela qui empêcherait la chose de se faire, et que quant à lui, il prendrait aussi bien 12 millions que 4. Le banquier lui dit alors de passer à son bureau et qu'il y trouverait son commis, qui était chargé des emprunts au-dessous de 50 millions, qu'il aurait reçu des ordres, et qu'il pourrait traîner avec ce jeune homme. Que, quant à lui, il ne s'occupait que des spéculations qui dépassaient 1 milliard. Le lendemain, le cacique passa au bureau du banquier. Tout avait été préparé comme il avait été dit. L'emprunt se faisait à 6%. Monsieur Samuel émettait d'abord tous les fonds, puis il se chargeait ensuite de trouver des sous-missionnaires. Cependant, c'était à une condition sine qua non. Le cacique frémit et demanda quelle était cette condition. Le commis répondit que cette condition était de donner une constitution à son peuple. Le cacique resta étourdi de la demande. Non pas qu'il rechignât le moins du monde sur la constitution. Il connaissait la valeur de ces sortes d'écrits et en aurait donné 12 pour 1000 écus. À plus forte raison, une pour 12 millions. Mais il ne savait pas que M. Samuel a entrepris la liberté des peuples en partie double. Il lui avait même entendu professer dans son patois, moitié allemand, moitié français, une profession de foi politique qui était si peu en harmonie avec la demande qu'il lui faisait faire à cette heure, qu'il ne put s'empêcher d'en manifester son étonnement au troisième commis. Celui-ci répondit au cacique que son Altesse ne s'était point trompé à l'endroit des opinions de son patron, mais que dans les gouvernements absolus, c'était le prince qui répondait des dettes de l'État, tandis que dans les gouvernements constitutionnels, c'était l'État qui répondait des dettes du prince, et que, quelque fond que fît M. Samuel sur la parole des rois, il avait encore plus de confiance dans les engagements des peuples. Le cacique, qui était un homme de jugement, fut forcé d'avouer que ce que lui disait ce troisième commis ne manquait pas de raison, et que M. Samuel, qu'il avait pris pour un turcaret, était au contraire un homme fort sensé. Il promit, en conséquence, de rapporter le lendemain une constitution aussi libérale que celle qui avait cours en Europe, et dont le principal article serait conçu en ces termes. De la petite République. Les dettes qui, jusqu'au jour de la prochaine convocation du Parlement, ont été contractées par Son Altesse le Cacique, sont déclarées dettes de l'État et garanties par tous les revenus et toutes les propriétés et toutes les propriétés de l'État. Une loi sera présentée à la prochaine session du Parlement pour déterminer la portion des revenus publics qui sera affectée au service des intérêts et au rachat successif du capital de la dette actuelle. C'était la rédaction même de M. Samuel. Le cacique n'y changea point une virgule, et le lendemain il rapporta la constitution entière, telle qu'on peut la voir aux pièces justificatives. Elle était signée de sa main et scellée de son sceau. Le troisième commis la jugea convenable et la porta à M. Samuel. M. Samuel mit au bas. Bon à tirer, déchira un feuillet de son agenda, écrivit au-dessous « Bon pour 12 millions payables fin courant » et signa Samuel. 8 jours après, la constitution de la nation Mosquitos avait paru dans tous les journaux anglais et était reproduite par tous les journaux européens. Ce fut à cette occasion que le constitutionnel fit cet article remarquable qui est encore dans tous les souvenirs intitulé « Noble Angleterre ». On comprend qu'une pareille largesse de la part d'un prince à qui on ne la demandait pas redoubla la confiance qu'on avait en lui et tripla le nombre des immigrants. Le nombre s'éleva à 16 639, et le consul signait le 16 639e passeport lorsque, remettant le susdit papier au 16 639e émigrant, le consul lui demanda quel argent lui et ses compagnons emportaient. L'immigrant répondit qu'ils emportaient des billets de banque et des guinées. À ceci, le consul répondit qu'il croyait devoir prévenir l'émigrant que les banknotes perdaient à la banque Mosquitos 6% et l'or 2 shillings par guinée, et cette perte était une chose qui se devait comprendre à cause de l'éloignement des deux pays et de la rareté des relations, tout le commerce se faisant en général à Cuba, Haïti, la Jamaïque, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'émigrant, qui était un homme de sens, comprit parfaitement cette raison. mais désolé du déficit que devait produire dans sa petite fortune le change qu'il serait obligé de subir une fois arrivé au lieu de sa destination, il demanda à son Excellence le consul si, par faveur spéciale, il ne pourrait pas lui donner de l'argent ou de l'or mosquitos en échange de ses guinées et de ses banknotes. Le consul répondit qu'il gardait son or et son argent, parce qu'étant pur de tout alliage, il gagnait sur l'argent et sur l'or anglais, mais qu'il pouvait lui donner, moyennant une simple commission d'un 0,5%, des billets de la banque du cacique, qui, une fois arrivé à Mosquitos, lui serait échangé sans retenue contre de l'or et de l'argent du pays. L'émigrant demanda à embrasser les pieds du consul, mais celui-ci lui répondait avec une dignité vraiment républicaine que tous les hommes étaient égaux et lui donna sa main à baiser. Dès ce jour, le change commença. Il dura une semaine. Au bout d'une semaine, le change avait produit 80 000 livres sterling, sans compter l'escompte. Vers le même temps, Sir Edward Toomas, consul à Édimbourg, prévint son collègue de Londres qu'il avait encaissé par des moyens à peu près analogues à ceux qui avaient été mis en usage dans la capitale des trois royaumes, une somme de 50 000 livres sterling. Le docteur trouva d'abord que c'était bien peu, mais il réfléchit que l'Écosse était un pays pauvre qui ne pouvait pas rendre comme l'Angleterre. De son côté, son Altesse le cacique Don Guzman y Panfilos toucha, fin courant, les 12 millions du banquier Samuel. Conclusion. Les émigrants partirent sur 8 bâtiments frétés à frais communs, et après 3 mois de navigation, arrivèrent en vue de la côte que vous savez, et jetèrent l'ancre dans la baie de Carthago. Ils y trouvèrent, pour toute ville, les cabanes que nous avons décrites, et pour toute population les gens du Serpent Noir, qui les conduisirent à leur chef, lequel leur demanda s'ils lui apportaient de l'eau de feu. Une partie de ces malheureux, n'ayant plus aucune ressource en Angleterre, prirent le parti de rester à Mosquitos. Les autres résolurent de revenir en Angleterre. En route, la moitié de cette moitié mourut de faim et de misère. Le quart qui revint à Londres n'eut pas plus tôt mis pied à terre qu'il courut au palais du cacique et à l'hôtel du consul. Le cacique et le consul avaient disparu depuis 8 jours, et l'on ignorait complètement ce qu'ils étaient devenus. Quant à nous, nous croyons que le cacique est incognito à Paris, et nous avons des raisons de penser qu'il n'est pas étranger à une grande partie des entreprises industrielles qui s'y font depuis quelque temps. Si nous en apprenons quelques nouvelles plus positives, nous nous empresserons d'en faire part à nos lecteurs. Au moment où nous mettons sous presse, nous lisons dans la Gazette médicale. Jusqu'à présent, on n'avait constaté le fait de combustion instantanée que sur les hommes. Un cas pareil vient, pour la première fois, d'être signalé par le docteur Thierry sur un animal appartenant à l'espèce simiane. Depuis 5 ou 6 ans, cet individu, par suite de la perte douloureuse qu'il avait faite de l'un de ses amis, avait pris l'habitude de se livrer à une intempérance journalière, à l'endroit du vin et des liqueurs fortes. Le jour même de l'accident, il avait bu 3 petits verres de rhum et s'était retiré, selon son habitude, dans un coin de l'appartement, lorsque, tout à coup, on entendit de son côté un pétillement pareil à celui que produisent des étincelles qui s'échappent d'un foyer. La ménagère, qui faisait sa chambre, se retourna vivement du côté d'où venait le bruit et vit l'animal enveloppé d'une flamme bleuâtre, pareille à celle de l'esprit de vin, sans que, cependant, il fit le moindre mouvement pour échapper à l'incendie. La stupéfaction dans laquelle la plongea ce spectacle lui ôta la force d'aller à son secours, et ce ne fut que lorsque le feu fut éteint qu'elle osa s'approcher de l'endroit où il avait apparu. Mais alors il était trop tard, l'animal était complètement mort. Le singe sur lequel s'est accompli cet étrange phénomène appartenait à notre célèbre peintre, M. Tony Johannot. Entre parenthèses, note de l'éditeur.